Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Julie Berès, vous êtes metteur en scène du spectacle Désobéir, qui sera prochainement en effet à l'affiche à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise les 25 et 26 janvier. Ça, c'est pour le repère. Alors, Désobéir, une pièce qui peut résonner dans nos actualités. On dit que c'est le fruit d'un travail avec le territoire et ses habitants. Vous décrivez le territoire qui est plutôt celui de la banlieue. Le spectacle a été créé à Aubervilliers, au Centre Dramatique National, c'était en 2017. Est-ce à dire que vous avez fait ce travail d'observation sur le département de Seine-Saint-Denis ? Oui, il y a une partie du travail qui est fait effectivement dans une rencontre sensible, concrète, avec des femmes, des jeunes femmes. Et puis, il y a surtout un désir de raconter des parcours de femmes issues de l'immigration, plutôt de la deuxième génération, et de comprendre comment elles se sont construites dans nos sociétés dites paritaires, égalitaires, non racistes, et donc de comprendre comment ces quatre jeunes femmes, de par leur nom, de par leur courage, de par leur passion, parce que c'est souvent grâce à une passion, un territoire de liberté, même à une forme de résilience, ont pu faire bouger, j'ai envie de dire, les lignes des assignations sociales, politiques, raciales, qui auraient pu faire que leur parcours aurait pu être très différent de, aurait dû même, j'ai envie de dire, être très différent de celui qu'elles ont construit. Donc c'est vraiment comment j'avais envie de parler de la jeunesse, déjà, d'une jeunesse à qui on dit beaucoup aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'elle, qu'elle n'est pas indispensable, qu'elle n'est pas nécessaire, que sa révolte, sa colère ne sont pas forcément intégrées ou compréhensibles par une jeunesse qui, je crois, est parfois, je ne sais pas si c'est désespéré, si leur parle de ça, de la jeunesse française qui serait désespérée aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes que je n'ai pas trouvé désespérés, mais qui, en tout cas, étaient très affectés par une espèce de consumérisme à tout va, et qui, en fait, à 17 ans, c'est souvent un âge où on a envie, on a besoin de s'engager, et où on existe souvent dans le fait de pouvoir s'opposer, comprendre à quoi on s'oppose. Mmh. Et je trouvais ça intéressant de prendre des femmes, parce que, en plus de leur... des femmes issues de l'immigration, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, un parcours de double peine, de triple peine. De... Après, quand j'en parle comme ça, on pourrait penser que le spectacle est très didactique ou très militant, et pas du tout, en fait. De par la puissance de ces filles, leur lumière, leur humour aussi. C'est un spectacle où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'empathie, aussi parce que c'est un spectacle où on reçoit beaucoup leur personnalité, l'humour qu'elles ont sur leur propre existence. Et puis leur jeunesse, notamment dans le rapport au corps, où il y a un corps extrêmement, une physicalité extrême, un corps très engagé, très performatif. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des jeunes femmes en résistance aussi ? Oui, des victorieuses quelque part. Ça fait partie de cette minorité de personnes qui arrivent à se réinventer. C'est la question de la réinvention du soi. C'est comment, par le fait de dire non, on peut se réinventer. Et comment, en fait, elles se réinventent. Elles ont payé le prix aussi, parfois, de ruptures familiales. Une d'entre elles m'a dit, j'ai perdu mon pays, ma culture, ma langue, ma famille. Parce qu'elle a décidé d'accepter de tomber amoureuse d'un garçon qui n'était pas musulman et que c'était pas acceptable pour son père et les frères et que c'était une forme de trahison. Pour autant, dans la description qui est faite de votre travail... vous dites qu'il ne s'agit pas d'un théâtre documentaire. Je crois qu'on peut peut-être venir un instant sur votre méthode, qui est celle qui précède justement la représentation, le temps de l'écriture. Il est à la fois issu de ces paroles et de cet apport personnel des jeunes comédiennes, mais pas seulement. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une partie où, c'est vrai qu'il y a un temps, pendant 6 ou 7 mois, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes, dont des jeunes femmes qui ne sont pas du tout dans le spectacle aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est des formes de témoignages, d'interviews, et qu'on essaie de tracer comme ça la structuration idéologique, j'ai envie de dire, de quoi on veut parler, le sujet, les choses qui reviennent, les récurrences. Et c'est comme ça que le sujet émerge aussi, par cette rencontre concrète, sensible sur le terrain. Par exemple, j'avais pas choisi d'élever, j'avais choisi que c'était des parcours de femmes, de jeunes femmes en France, et la question de l'immigration est venue dans un deuxième temps. Et puis finalement, d'autres sujets comme ça se sont affirmés, comme bien sûr la construction du féminin dans un monde qui est violent, mais qui l'est encore plus pour les femmes, et encore aujourd'hui. Un monde dominé par les hommes, disons-le aussi. Oui, un monde forêt quand même, où voilà, il y a certains endroits où il y a encore pas mal d'inégalités et où les libertés ne sont pas les mêmes accordées dès la naissance, quoi. Surtout quand on est dans un milieu, des milieux traditionnels, que ce soit de la tradition protestante, musulmane, catholique, une d'entre elles a un papa qui était évangéliste, deux d'entre elles viennent d'un milieu plutôt très musulman. Voilà, où on leur a dit dès leur enfance, ton frère peut faire ça, mais si c'est un garçon, tu ne peux pas le faire, ton frère fera des études, c'est pas grave si tu n'en fais pas. Et dans d'autres milieux, absolument pas précaires, ni socialement, ni financièrement, on sait que les formes de misogynie prennent d'autres formes. Mais oui, quand même, il y a quelque chose, même si la France dit toujours que c'est réglé comme problème, je crois qu'il y a encore un gros travail de conscience et de choses pernicieuses qui restent très présentes, quoi. Cet esprit de résistance, ça passe forcément par une forme de désobéissance pour rebondir sur le titre de votre spectacle. Moi, je crois, ouais. Je crois que ça, c'est une très belle chose que ces jeunes femmes m'ont fait comprendre, non pas intellectuellement, mais presque sensiblement, concrètement, parce qu'elles sont pas du tout, et ça j'insiste beaucoup, c'est pas un spectacle point levé, elles sont contre personne, elles sont pas contre les hommes, elles sont pas contre leur père, elles sont pas contre leurs frères, elles sont pour elles-mêmes en fait surtout. Elles se sont surtout battues pour pouvoir avoir le droit de lire et de s'enfermer dans une bibliothèque et de, c'est le cas de Sephora Pondy, d'apprendre à parler mieux que toutes ses camarades gauloises et d'avoir une éloquence et une maîtrise de la langue française. Et d'arracher, pardonnez-moi, leur liberté, parce que ouais, c'est ça aussi l'acte. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit là, Charmine par la danse, Atis et Lou par le théâtre, par des endroits où en fait, de par leur, ouais, leur passion, elles ont trouvé la capacité, la force de dire non et de pas faire comme on attendait d'elles la plupart du temps, ou de leur grande sœur ou de leur mère, de devenir une gentille et douce épouse qui allait pouvoir reproduire comme ça la chaîne familiale. Et oui, c'est très juste de parler d'arrachement de la liberté. Mais après, là, on a pris des jeunes filles qui sont exemplaires parce que elles viennent de ce qu'elles ont vécu, leur éducation font que ça aurait été plus probable qu'elles soient tirées vers le bas, qu'on les trouve comme ça, comme des victorieuses, comme elles le sont aujourd'hui. Après, là, moi, ce que je voulais pas, c'était dire à toutes les jeunes femmes, écoutez, regardez, c'est simple, il suffit de dire non, de se battre, de résister, de lutter, d'affronter, pour en fait arracher sa liberté. Je crois aussi qu'après il y a la question intime de que c'est quelque chose, c'est une force intérieure qu'on a ou qu'on n'a pas forcément. Et je ne veux pas enlever, déresponsabiliser non plus l'État et dire qu'en fait ce serait là une question qu'individuelle, chacun a qu'à se battre pour arracher sa liberté. Au regard de ce qui vient d'être dit, je dois également préciser que s'il y a une méthode de Julie Berès, vous avez pris l'habitude pour d'autres créations de travailler avec des scénaristes, dramaturges, des auteurs. C'est le cas pour ce spectacle également. Pour la dramaturgie, vous avez fait appel à Kevin Kess. Qui est aussi auteur sur ce spectacle. Voilà, il est auteur. Et j'ai vu spécialiste des théâtres antiques. Est-ce qu'il y a une résonance un peu entre justement le théâtre antique et ce théâtre d'aujourd'hui, ce théâtre de la vie ? C'est une pièce d'actualité. L'invitation de la pièce d'actualité, c'est que fait Marie-Josée Malice quand elle nous invite à la Commune, c'est de questionner des problématiques sociologiques de notre époque. D'essayer de se dire que le théâtre, c'est de réinventer le théâtre comme un art politique. C'est-à-dire, de toute façon, il l'est par essence. C'est-à-dire, à quel moment cet endroit, cette tribune, ce lieu commun où, qui fait communauté, peut nous permettre de nous poser des questions sur des problématiques qui appartiennent à notre époque, peut rester un endroit, en fait, qui déplace les consciences, qui déplace les lignes, qui nous fait regarder, entendre et penser autrement. Donc c'est vraiment cette invitation-là aussi, faire une pièce d'actualité, c'est dire à quel monde on appartient et qu'est-ce qui autour de moi est en train de bouger et comment je pourrais l'interroger, sans du tout dire qu'on apporte des réponses parce que j'ai pas cette prétention-là. Et puis et après, une chose qui était importante, très importante pour moi dans ce spectacle, c'était la question de l'espoir, de réussir aussi à pouvoir dénoncer, parler de choses, certes, voilà, de rapports de domination, de problèmes d'étouffement par la tradition, le rapport homme-femme, par la question de la précarité sociale et ou financière, ou les deux cumulés, du racisme qui est presque, j'ai envie de dire, en France aujourd'hui, décomplexé, prédominant et de plus en plus banalisé. Moi, je trouve inquiétant. Oui, et ouais, banalisé. Et puis, ouais, banalisé, même assumé, ouais, de plus en plus. Et donc, c'était parler de tout ça, mais tout en fait, en sortant, en ayant envie d'agir sur cette existence. Et une des choses dont je suis très heureuse dans ce pays, c'est quand les gens sortent, ils disent qu'ils se sentent bien. Très souvent, ils restent, ils boivent des coups, ils ont envie de danser, ils disent qu'ils veulent danser, qu'ils veulent. Et comme si ce spectacle était, j'ai envie de dire, un spectacle spinoziste, bon, c'est un peu vulgaire de ça, mais c'est-à-dire qui donnerait, qui redonnerait à chacun le fait de dire, mais en fait, je peux agir sur mon existence, donc je peux agir sur le monde, et donc en fait, rien n'est perdu. L'existence est dure, le monde est violent, le monde est injuste, et voilà, et l'homme est un loup pour l'homme, certes, mais comme il y a une capacité d'agir, alors tout reste passionnant et ouvert, et on peut continuer à être des êtres actifs et non pas des victimes qui pensons juste que les choses sont ainsi. En fait, les choses sont telles qu'on les construit aussi et telles qu'on les... quand on prend les armes. Oui. Et voilà, ça peut être des armes qui sont, en tout cas pour ces quatre jeunes femmes qui sont sur le plateau, qui ont été la littérature, la danse, le théâtre, la pensée et j'ai envie de dire en fait la liberté. Justement, sur le plateau, vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas question là de théâtre documentaire, comme on pourrait le voir dans d'autres créations, mais votre écriture scénique, on dit qu'elle donne accès à des fictions oniriques. Comment ça se traduit sur scène? Vous disiez également, pour tous ceux et celles qui vont écouter cet entretien, cette interview, que ce spectacle, au travers de ses sujets graves, l'humour est bel et bien présent, ce qui peut paraître paradoxal. Mais là... les fictions oniriques et le théâtre sensoriel, c'est plutôt pour un travail, effectivement, depuis 17 ans que j'ai beaucoup mené, mais c'est pas tout à fait juste pour... pour ce spectacle-là, non? Non. D'accord. Non, là, c'est vrai qu'il y a de l'humour et qu'il y a de la fiction, dans le sens où les gens ne savent pas ce qui est de l'autofiction, ce qui appartient à notre imaginaire, et quels sont les éléments qui appartiennent réellement à leur vie, et quels sont les éléments que nous, qui appartiennent à la vie de d'autres jeunes femmes, ou que nous, on a écrit et inventé avec les auteurs. Il y a aussi Alice Zeniter, hein, qui est un des auteurs du spectacle que vous n'avez, que je tiens à citer aussi, qui avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est romancière, qui a écrit dernièrement L'Art de perdre, qui est voilà un formidable auteur aussi. Mais c'est pas tant de l'onirisme là ou de la fiction, c'est plutôt de qu'on voulait trouver une forme qui ne soit pas comme de la télé-réalité, une mise à nu de la vie de ces filles en disant voilà ce qu'elles ont vécu, voilà tout ce que vous entendez est vrai. C'était plus de faire réfléchir les gens et c'est plus par la forme performative et dansée, là qu'on est dans un théâtre qui n'est pas un théâtre documentaire. D'accord. C'est qu'on croit que ça l'est au départ, on croit que c'est des témoignages et en fait on se rend compte qu'il y a une forme beaucoup plus performative et une physicalité, un rapport au corps et à la danse. Et à la musique qui est très différente dans ce spectacle. Oui, le lieu de la scène d'ailleurs, la scène étant le lieu aussi d'une polyphonie, ai-je lu, où résonne également la jubilation d'être ensemble, de se sentir forte. Car c'est ça aussi finalement l'espoir dont il est question dans ce spectacle. Complètement. Je crois que leur joie d'être là, de prendre cette parole, le courage qu'elles ont eu là, parce que, voilà, par exemple Charmine... Faribodzi, qui est iranienne, raconte certaines choses sur le gouvernement iranien ou sur le port du voile obligatoire ou qui pourrait, enfin en tout cas au début on a eu peur de ça, que ça puisse lui causer certains problèmes. Donc cet acte-là aussi de dire à un moment, de nommer, d'oser nommer et d'oser raconter le récit de soi, mais même s'il est réinventé en partie, peu importe qui a été le père, qui a été le frère et quelles ont été les étapes de résistance, oui, créer de la jubilation, oui. Oui, il y a un rapport à la jubilation qui est très fort. Et c'est vrai que d'ailleurs quand les gamins ou des jeunes ou des ados sont dans la salle, les codes, par exemple, il y a un battle à un moment qui sont tout à fait intégrés. Il y a quelque chose de participatif avec le public, malgré c'est pas une volonté de mise en scène. C'est, enfin, maintenant j'arriverai à le nommer comme quelque chose qui fait partie intégrante du spectacle, mais c'est plus en fait leur exutoire, leur libération qu'on voit en direct se faire sur nos yeux, qui nous donne envie de nous libérer aussi. Merci Julie Berès pour toutes ces explications, présentations concernant le spectacle à découvrir prochainement à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise les 25 et 26 janvier prochains au Théâtre des Arts à Cergy, Grand Centre Préfecture. C'est le spectacle Désobéir dont on vient de parler. Mille merci à vous. Merci, au revoir, à très vite.